20 mois à peine s'étaient écoulés depuis la révolution de juillet 1830 qui entraîna l'abdication de Charles X et l'avènement du débonnaire Louis-Philippe, la fièvre révolutionnaire gagnait. La Société des Amis de l'ABC, groupe d'étudiants révolutionnaires, présidé par Enjolras, se réunissait au café Musain, au faubourg Saint-Antoine. Ce faubourg est en effet un réservoir de peuple. L'ébranlement révolutionnaire y fait des fissures par où coule la souveraineté populaire. À peu près vers cette époque, Enjolras, en vue de l'événement possible, fit une sorte de recensement mystérieux. Il convient de savoir où l'on est et sur qui l'on peut compter. Enjolras entrevoyait un soulèvement lumineux sous les pans ténébreux de l'avenir.